maintenant la médecine que c'est trop tard. La médecine un peu tardive. Des fois même très tardive. Oui, je vous disais tout à l'heure, ce qui gêne les gens, c'est l'odeur. Hein. C'est l'élément qui peut gêner. Pourquoi je fais de la médecine légale si c'est des rencontres? De mort naturelle sur la voie publique, bon, vous faites le métier, vous ouvrez, bon, vous regardez, paf, paf, paf, c'est relativement banal. Une autopsie doit être pratiquée. Par la tête ou par les pieds, ouais. Bah écoutez, il y a des écoles qui divergent un tout petit peu. Nous, on commence habituellement par l'incision standard, c'est-à-dire à partir du cou jusqu'au pubis, donc au niveau du thorax, du cou, du thorax et de l'abdomen. Dans certains endroits, ils commencent par la tête, ce qui n'est peut-être pas complètement idiot. Vous imaginez jeter des cadavres? Où est-ce qu'on les mettrait? Je sais pas. Dans la Seine.